بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc, chers frères, barakallahu fikoum, la lecture et le commentaire de cet épître, de ce chapitre très important du Sahih de l'imam al-Bukhari, Kitab al-Irtisam, le chapitre concernant la fermeté sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est arrivé au sous-chapitre numéro 16. L'auteur qui nous dit « Babu ma dhakara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ». Attention, le nom du sous-chapitre, il est long. « Babu ma dhakara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hadda ala attifaqi ahli al-ilm wa ma ajma alayhi al-haraman Makkah wal Medina wa ma kana biha min mashahid an-nabi صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. Et donc le sous-chapitre concernant ce qui a été cité, ou du moins concernant les textes qui montrent que le prophète صلى الله عليه وسلم a incité à l'union des gens de science. Et donc, ce sur quoi étaient unanimes les deux lieux sacrés, Mecca et Médine, ainsi que les événements qu'il y a eu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les Muhajiroun et les Ansar, ainsi que le lieu de prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Mimbar et la tombe. Le minbar et la tombe. Et donc ici, l'auteur, il attire notre attention sur plusieurs points. Le premier point, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est incité à l'union des gens de science. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, « Wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. » Celui qui fait scission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après que l'a guidé, et que, donc, non, après que l'a guidé lui fut éclairci, et qu'ensuite cette personne suit une autre que la voie des croyants, alors nous nous détournons de lui. Subhanallah. Cette personne, elle fait scission du prophète. Et donc, en faisant scission du prophète, elle va forcément être sur une autre voie que celle des croyants. Puisque les deux sont liés. Celui qui fait cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, nuwallihi ma tawalla, nous nous détournons de lui, comme il s'est détourné. Allah, il le laisse dans son égarement. Il le laisse dans sa déviance. À partir du moment où tu as délaissé l'unanimité des musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala te laisse dans ta déviance. Et ici, il y a un point important, barakallahu fikoum, une parole importante de Tirmidhi, qui nous dit que l'explication, ce qui est voulu par Al-Jama'a, ce qui est voulu par Al-Jama'a, ce sont les gens de science. Ce sont les gens de science. Il nous dit Ahlul fiqh wal ilm wal hadith. Les gens du fiqh, de la science et du hadith. Et donc, quand on parle d'unanimité, ce n'est pas l'unanimité de tout le monde qui est pris en compte. C'est l'unanimité des gens de science. Puisque c'est eux qui connaissent. C'est eux qui connaissent le domaine. À partir du moment où ces gens-là ont été unanimes sur un sujet, nous n'avons pas le droit de délaisser cette unanimité. Et c'est ce qu'on a vu durant le premier séminaire. Durant le premier séminaire, je vous ai dit, les sujets qui ont été abordés, ce sont des sujets d'unanimité. On n'est pas rentré dans les divergences, dans la jurisprudence, etc. On a vu des sujets, la aqida, ce sont des sujets d'unanimité. Des sujets que nous n'avons pas le droit, sur lesquels nous n'avons pas le droit de dévier. Nous n'avons pas le droit de délaisser cette unanimité. Les premières générations de l'islam ont été unanimes sur certains points. Nous n'avons pas le droit de délaisser cela et de venir avec une autre pratique. Ce qui nous permet donc de connaître avec clairvoyance les groupes qui ont dévié de cela. Et ça, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, comme dans Jami al-Tirmidhi, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalala. C'est Allah ne réunit pas ma communauté sur un égarement. Et donc ici on comprend encore que si tu délaisses cette unanimité, tu es donc dans un égarement. Puisque Allah ne réunit pas sa communauté sur un égarement. Et donc il est important, barakallahu fikoum, d'apprendre, parce que ceci est une amana qui nous a été confiée. Nous devons adorer Allah comme lui, il le veut. Il nous a été rendu obligatoire le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous devons avoir une croyance comme lui il l'avait. Comme ses compagnons aussi il l'avait. Parce que c'est eux dont Allah tabaraka wa ta'ala était satisfait d'eux. Et ça c'est un sujet très important à ne pas prendre à la légère. Le cheikh Ubayd al-Jabiri il dit ici, rahimahullah, ومعرفة الهدى على وجه الصحيح هي ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان من هذه الأمة واتباع ما أجمع عليه سنة وهدى ومخالفتهم بدعة وضلالة. Il nous dit dans l'explication de ce hadith que la connaissance de la guidée, la connaissance correcte de la guidée est le fait est l'union des gens de science, et le fait de connaître l'union des gens de science. Quand tu connais les sujets sur lesquels les gens de science sont unanimes, tu connais la guidée. Parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, certes, Allah ne réunit pas ma communauté sur un égarement. Le contraire de l'égarement, c'est la guidée. Ça veut dire qu'Allah réunit la communauté sur la guidée. Et ce qui est voulu par El Jama, ici, la communauté, c'est les gens de science. Et donc, ces gens-là sont réunis forcément sur la guidée. Alors, nous devons, si tu veux connaître la guidée, tu dois connaître ce sur quoi ces gens-là ont été unanimes. Il nous dit, le cher Obeid, et le fait de les suivre, le fait de suivre ce sur quoi ils ont été unanimes, est une sunna, une guidée. Et le fait de contredire cela est une innovation, un égarement. Et donc, il est important, chers frères, de bien comprendre ce sujet. Le deuxième point dont il nous parle, l'imam al-Bukhari, dans ce chapitre, dans ce sous-chapitre, il nous parle de ce sur quoi ont été unanimes les deux lieux sacrés, Mecca et Médine. Ici, donc, il va nous montrer des sujets sur lesquels étaient unanimes qui ? Les Muhajiroun et les Ansar. Les Muhajiroun qui viennent de Mecca, les Ansar qui viennent de Médine. Et ça, c'est un sujet important. Nous devons savoir qui ils sont. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité les Muhajiroun. Ensuite, il a cité les Ansar. Walladina tabawa'u ad-dara wal iman min qablihim. Ceux qui ont préparé la demeure et la foi. Et c'est eux qui ont préparé Médine pour eux. Ils ont préparé celui-là avant que les Muhajiroun arrivent et fassent l'émigration. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala cite ceux qui viennent après eux. Ceux qui viennent après eux les ont suivis de la meilleure des façons. Et donc, nous devons savoir ce sur quoi étaient unanimes ces gens. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il nous appelle à connaître ce sur quoi étaient unanimes les Muhajiroun et les Ansar. Le troisième point auquel il nous appelle, l'imam al-Bukhari, et donc ce sont les divers événements. Il va nous citer divers événements importants qu'il y a eu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les Muhajiroun et les Ansar. On verra aussi dans ce sous-chapitre le Musalla, le lieu de prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est voulu ici, le lieu de prière du Eid, là où il a accompli la prière du Eid, ainsi que le Mimbar et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith avec la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Jabir ibn Abdillah al-Salami, qui nous dit أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة. Un bédouin a porté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'islam. Et donc, il a pris un engagement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'islam. Et ensuite, il fut touché par une maladie à Médine. Lorsque les compagnons ont fait la hijra, au début, ce n'était pas facile parce que la température ou le climat qu'il y avait à Médine n'était pas comme le climat qu'il y avait à la Mecque. Et donc, beaucoup sont tombés malades au début. Beaucoup sont tombés malades. Plusieurs. Et donc, cet homme-là, il fut touché par une maladie à Médine. فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِي عَنْ بَيْعَتِي. Alors, ce bédouin, il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, oh, messager d'Allah, mets fin à mon engagement. Mets fin à mon engagement. Il s'est engagé concernant l'islam. Et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre fin à son engagement après qu'il soit tombé malade. Certains des gens de science nous disent, ce qui est voulu ici, ce n'est pas mettre fin à mon engagement concernant l'islam, mais c'est mettre fin à mon engagement concernant l'émigration. C'est-à-dire, permets-moi de ne pas rester à Médine. فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Le prophète صلى الله عليه وسلم a refusé. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي. Ensuite l'homme il est revenu et il a redemandé encore la même chose, mets fin à mon engagement. Le prophète a refusé. Ensuite même chose, l'homme est revenu, le prophète a encore refusé. فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ. Alors il est parti, le bédouin est parti. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها أو تنصع طيبها وينصع طيبها. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, après que cet homme soit parti, certes Médine est comme un soufflet. Le soufflet, c'est ce que le forgeron va utiliser pour attiser le feu. Pourquoi est-ce qu'il va attiser le feu ? En parlant de Médine. Le forgeron, il va attiser le feu pour pouvoir faire fondre le métal. Il a besoin de faire fondre le métal. Et le métal, il ne le fait pas fondre comme ça. Il faut un feu qui soit bien fort, ardent. Et donc, il va utiliser ce soufflet. Mais pourquoi est-ce qu'il fait fondre le métal ? C'est afin de pouvoir extraire les impuretés de ce métal et garder le métal pur. Lorsqu'on parle de l'or qui a été souillé, etc., mélangé à d'autres métaux, on va faire fondre cet or et donc tu auras au milieu l'or pur et autour toutes les autres impuretés ou autres éléments qu'on ne veut pas. Et donc Médine est comme ce soufflet. Permet de faire monter la difficulté, la température pour enlever tout ce qui est mauvais et garder le pur. Et donc dans ce hadith, barakallahu fikoum, premièrement, il y a les mérites de cette ville, la ville de Médine. La ville d'où s'est propagée la da'wa et l'appel à l'islam, à la vérité. Il y a dans ce hadith le fait de ne pas comment on va dire ça en français ? Le fait de ne pas être en accord avec ceux qui vont apostasier. Certes, tu ne peux pas forcer les gens. Une personne désire, elle veut apostasier, tu ne peux pas la forcer à rester dans l'islam. Mais cela ne veut pas dire que tu vas aller la féliciter ou l'encourager ou être d'accord avec ce qu'elle a fait. Ici, selon un des sens de ce hadith, l'homme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demander à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mette fin à son engagement, le prophète a refusé parce qu'il y a en cela un péché. Et donc nous, de la même manière, nous ne pouvons pas être d'accord avec une personne qui va faire cela. Et selon la deuxième explication de ce hadith, comme on a vu précédemment, que ce qui est voulu, c'est el-hijra. La personne a voulu mettre fin à son engagement concernant l'immigration. Alors ici, on voit l'importance de l'immigration. Et que l'immigration n'est pas facile. L'immigration n'est pas facile. Les compagnons ont connu des difficultés. Que ça soit la maladie, que ça soit le financement, etc. Et aujourd'hui, nous, on pense qu'on est les seuls à avoir des difficultés. Ouais, mais nous, à notre époque, on doit payer des factures, etc., etc. Comme si eux, à leur époque, ils n'avaient rien à payer. Comment ? Et donc, il est important, barakallahu fikoum, que on réalise que cet acte d'adoration que tu fais pour Allah, tabaraka wa ta'ala, pour préserver ta religion, est un acte important. Et d'ailleurs, ça me rappelle beaucoup de nos frères antillais qui ont fait la hijra, que ça soit au Sénégal, que ça soit à Dubaï, au Maroc, en Algérie et dans d'autres pays. Beaucoup qui m'ont contacté, qui sont contents de ce qui se passe en Martinique, du fait qu'aujourd'hui, les gens en Martinique, ils apprennent la aqida, la croyance, ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, etc. Plusieurs m'ont contacté par rapport à cela. Et plusieurs ont montré qu'ils auraient aimé pouvoir être là pour participer à ce bien, participer à cela. Alors là, je dis les frères, les sœurs, donc mes frères et mes sœurs antillais qui sont partis, qui ont fait la hijra, restez où vous êtes. Restez dans les pays musulmans. Car ce n'est pas à vous de nous envier par rapport au beau paysage de la Martinique, peut-être. Mais c'est à nos frères qui sont ici de vous envier et de désirer être comme vous, avoir eu le courage de partir, aller dans les pays musulmans, aller dans des pays où on ne les empêche pas de pratiquer leur religion. Et on va invoquer, comme a invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari et Muslim, un homme qui était malade. Il avait déjà fait la hijra. Et donc Abu Waqqas, qui avait fait l'émigration et qui ensuite est allé faire son pèlerinage. Et durant son pèlerinage, il est tombé malade. Il est tombé malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ne pouvaient pas rester avec lui à la Mecque, mais ils devaient retourner à Médine. Et il avait peur de ça, de rester. Il avait peur pour sa hijra. Alors il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Eh ukhallafu ba'da ashabi, est-ce que je serai laissé après mes compagnons, après que mes compagnons soient partis ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Certes, tu ne vas rester que pour que les gens puissent profiter de toi ou que les gens aient mal par ta cause. » Et effectivement, cet homme, il est resté jusqu'à la conquête de l'Irak. Et beaucoup ont pu profiter de lui, de sa science. Et il fait partie de ceux qui ont dirigé aussi concernant les armées, etc. Et donc ici, cet homme ne voulait pas mourir et annuler, il ne voulait pas mourir dans un pays d'où il avait fait la hijra, c'est-à-dire qu'il avait quitté la Mecque à la base. Et donc il ne voulait pas, après avoir fait la hijra, mourir à la Mecque et que son émigration soit annulée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué « Allahumma amdi لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. Ô Allah, permet à mes compagnons de concrétiser leur hijra. Ils restent là-bas. De concrétiser leur hijra. Et ne les fais pas revenir sur ce qu'ils ont fait. Annuler ce qu'ils ont fait. Et donc, nous donnons ce même conseil à nos frères qui sont partis, de rester là-bas, rester où vous êtes. Mais au contraire, on leur demande de préparer le terrain pour tous ceux qui vont suivre. Pour tous ceux qui vont suivre, Inch'Allah Ta'ala. Et d'être comme les Ansar. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a cité « Walladina tabawwa'u ad-dara wal-iman min qablihim » Ceux qui ont préparé la demeure et la foi. Pour ceux, donc avant eux, c'est-à-dire avant les Muhajirin, avant que ceux, que les compagnons fassent la hijra, les Ansar, ils ont préparé le terrain pour eux. Et donc j'incite ici tous mes frères à faire attention à ce sujet, très important, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit clairement. Lan tanqati'a al-hijratu hatta tanqati'a at-tawbatu. L'émigration ne s'arrêtera que lorsque le repentir s'arrêtera. Walan tanqati'a at-tawbatu hatta tatlu' ash-shamsu min maghribiha. Et le repentir ne s'arrêtera que lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Et donc l'obligation de l'émigration continue et perdure. Inch'Allah, on va prendre le deuxième hadith la semaine prochaine, bi'idnillah ta'ala, pour pas trop long. وفق الله جميعا لمن يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.